Mais le comte survient et Suzanne a juste le temps de dissimuler Chérubin derrière le grand fauteuil. À peine le comte a-t-il fait des propositions à Suzanne qu'il découvre Chérubin. Il est furieux que le page l'ait entendu faire la cour à Suzanne. Il chasse Chérubin et décide d'aider Marceline, désormais passée à son service, dans son désir d'épouser Figaro. Pour s'assurer l'aide de Chérubin, Figaro lui conseille de faire seulement semblant de quitter le château. En effet, pour se venger du comte, Figaro, avec la complicité de Suzanne et de la comtesse, va s'employer d'abord à le rendre jaloux, et ensuite à lui faire parvenir un prétendu rendez-vous avec Suzanne que Chérubin, déguisé en femme, remplacera.